Radio Campus Lille, il est midi. L'association Fana et ses partenaires vous donnent rendez-vous ce soir à partir de 17h au 47 rue Corneille à Villeneuve-d'Ascq. Au menu, inauguration d'une fresque géante, débat sur le vivre ensemble et la solidarité, un repas, un concert et des surprises clôtureront cette journée magique. Plus d'infos au 07 83 64 89 50, 07 83 64 89 50. Alors venez nombreux! De bouclier hissé, l'élite qui t'embauche. Avec tes discours et villa, nous a donné tous un peu froid. Toi qui nous a repris l'espoir, que nous avions de la mémoire, tous les gens. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, nous sommes le 15 avril 2017 et vous écoutez à midi pile sur Radio Campus l'émission proposée par Attaque Métropole, Angle d'Attaque, Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour cette émission, Florent est aux manettes et le quatuor des animateurs est bien présent, René La Science, Ludovic, Louis et Christian. Quel est le programme aujourd'hui? Nous finirons par le calendrier militant de Florent, après avoir entendu les activités d'attaque par René et le coup de gueule de Christian. Et nous allons démarrer avec le thème de la journée. De quoi parlons-nous aujourd'hui, d'Europe? Rien que ça, et le sujet nous a semblé si compliqué, et surtout si vaste que nous n'avons pas voulu avoir un invité ou une invitée qui aurait été incomplet ou incomplète de toute façon. Nous n'avons pas voulu prendre le risque de votre insatisfaction, chers auditeurs et auditrices. Donc, pour être complet et de ne pas prendre de risque du tout, nous avons décidé d'un commun accord d'être nos propres invités, nos propres intervenants. Nous nous sommes donc répartis entre nous quatre les thèmes européens qui nous ont semblé importants de développer en ce moment. L'Europe, ça n'échappait à personne, connaît une situation mortifère. Et la question peut se poser de relancer la construction européenne. Le 25 mars 2017, les dirigeants ont prévu d'adopter une déclaration sur l'avenir de l'Union européenne lors du sommet consacré au fameux 60e anniversaire du traité de Rome. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, en particulier François Hollande et Angela Merkel, souhaitent y faire figurer le projet d'une Europe à plusieurs vitesses, une option à laquelle le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, paraît également favorable. L'Europe, actuellement, est dans une impasse, pourtant. Brexit, dérive nationaliste et montée de l'extrême droite, concurrence économique exacerbée entre les États membres, course au moins-disant social et fiscal, carcan imposé par le TSCG et les politiques d'austérité, traitement inhumain des populations, c'est le cas de la Grèce, ça n'échappe à personne, évasion fiscale, creusement des inégalités, omnipotence des dogmes libéraux et déficit démocratique. On est bien loin de l'idéal prôné par les pères fondateurs, n'est-ce pas, René ? Oh oui. Eh bien, pour revenir justement sur cet idéal, il faut savoir qu'au départ, les pères fondateurs, comme on dit, étaient portés par une volonté commune de réconciliation des Européens. Donc ces pères fondateurs partagent une même volonté de pacification de l'Europe, non pas par l'équilibre des puissances comme après le congrès de Vienne de 1815, mais véritablement par la réconciliation des nations européennes. Rassemblant aussi bien des résistants que des avocats, ces personnalités issues d'horizons divers étaient mues par un même idéal, une Europe pacifique, unie et prospère. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont subi et combattu les régimes fascistes, soviétiques ou nationaux-socialistes. De cette période de guerre, les pères de l'Europe retirent une conviction, la paix passera par la réconciliation des peuples. Par exemple, citons Konrad Adenauer, L'Europe ne sera possible que si une communauté des peuples européens est rétablie, dans laquelle chaque peuple fournit sa contribution irremplaçable, instituable à l'économie et à la culture, à la pensée, etc. Ou bien encore Jean Monnet, le 30 avril 1952 à Washington, « Aussi longtemps que l'Europe restera morcelée, elle restera faible et sera une source constante de conflits. » Avec le plan Schuman et avec l'armée européenne, qui était un projet d'ailleurs qui a avorté, nous avons posé les fondations sur lesquelles nous pourrons construire les États-Unis d'Europe, libres, vigoureux, pacifiques et prospères. Alors, un exemple de cette époque, si on veut, puisque là on voit que c'est le beau côté des choses, c'est l'Europe pacifique, respectueuse des droits de l'homme. Donc un exemple, la création du Conseil de l'Europe, qui est une organisation intergouvernementale instituée le 5 mai 1949 par le traité de Londres. Par le biais des normes juridiques dans les domaines de la protection des droits de l'homme, du renforcement de la démocratie et de la prééminence du droit en Europe. C'est une organisation internationale dotée d'une personnalité juridique reconnue en droit international public et qui rassemble 820 millions de ressortissants dans 47 États membres. Des États, par exemple, comme l'Arménie, la Russie en font partie. La Convention européenne des droits de l'homme, au champ d'application inégalé, ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme qui l'applique, en constituent la cheville ouvrière. C'est auprès de cette Cour que tous les individus, ressortissants ou non des États partis à la Convention, peuvent introduire des requêtes s'ils estiment qu'un État, parti à la Convention, a enfreint leurs droits. Les activités du Conseil de l'Europe intéressent tous les domaines de la vie courante, sauf les questions de défense. Et ont abouti à l'élaboration d'un large éventail de normes, de chartes et de conventions destinées à faciliter la coopération entre les pays membres du Conseil et à renforcer la construction européenne. Il a également pour but de favoriser un progrès économique et social. Donc c'est aussi, pour une Europe, dans ce projet d'Europe pacifique, c'est aussi un projet d'Europe unie, bien sûr, et prospère. Prospère donc dès l'entre-deux-guerres, l'idée d'une union économique de l'Europe est avancée, notamment par les milieux industriels. Créer une union douanière européenne serait pour les industries une manière d'obtenir de nouveaux débouchés, permettant de produire en plus grande quantité et donc à moindre coût, donc là, économie d'échelle. Déjà, vont s'organiser donc, des cartels internationaux sectoriels, comme l'Entente internationale de l'acier en 1926. L'idée d'union douanière, elle, est portée en particulier par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, qui ont déjà mis en place ce type d'organisation entre eux, qu'on appelle l'UEBL, et qui date de 1921. Ce qui aboutira au Benelux en 1944, donc la première union douanière qui sera intégrée par la suite à la CE. Alors, l'expérience de Joseph Bech, homme politique luxembourgeois en particulier, sera précieuse lors des négociations du traité de Paris en 1951. C'est le traité de la CECA, Communauté européenne charbon-acier, puis pour les traités de Rome de 1950. Qui aboutiront à la création de la communauté européenne, qui est l'ancêtre de l'Union européenne. Mais dans ces processus d'union douanière, on peut constater plusieurs constantes. D'abord, le besoin essentiel des entreprises, qui est pris prioritairement en compte, si je puis dire, élargir les marchés à la fois par l'écoulement des marchandises et l'approvisionnement en matières premières. Le protectionnisme est vu comme le responsable des rivalités économiques et comme l'un des facteurs de la marche vers la guerre. Et l'instauration en Europe de l'Est du modèle d'économie planifiée, symbolisé par la création en 1949 du Comecon, agit sur les gouvernements occidentaux comme un repoussoir au moment de réorganiser les économies. Donc le protectionnisme n'étant plus une option, le libre-échange apparaît, pour ainsi dire, naturellement comme le seul modèle économique viable. Et c'est peut-être là qu'il faut rechercher les causes de l'impasse actuelle de l'Union européenne. Ces diagnostics sont devenus dogmes. Ok, René, c'est encore un mot peut-être, oui, sur le... Oui, pour terminer, il faut quand même reconnaître que la communauté économique européenne, dans les années 50 et 60, tout au moins, fut un succès. Mais il ne faut pas oublier que le marché commun, comme on disait à l'époque, ne concernait que 6 États de niveau comparable, que nous étions en période de croissance forte, en plein dans les 30 glorieuses, et que l'économie était encore orientée essentiellement sur le keynésianisme, c'est-à-dire axée sur la demande, avec un partage plus équitable des fruits de la croissance. Ouais. Oui. Merci René pour cette introduction qui est tout à fait intéressante sur l'historique et qui est quand même nécessaire pour montrer combien aujourd'hui on est loin de ces idéaux et on est en face de problèmes lourds de type dislocation possible. Mais tu veux ajouter un mot ? Oui, toutefois, je veux dire, il y a quelque chose de... Il y a une dualité, parce qu'en même temps, on affiche un bel idéal au plan juridique, au plan des droits de l'homme. On crée le Conseil de l'Europe, certes, mais on voit déjà que les intérêts économiques sont déjà très présents. Ces unions douanières qui sacralise le libre-échange, déjà. Bon, à l'époque, évidemment, c'était pas forcément grave, comme je l'ai expliqué, mais actuellement, la situation ayant changé, peut-être aurait-il dû évoluer, se réadapter, les penseurs libéraux, justement. C'est toute la question. On leur posera la question. Construction européenne, peut-être faut-il nuancer ce propos. Peut-être que ce serait Ludovic qui s'intéresse justement à... Y a-t-il un peuple européen ? Y a-t-il une souveraineté européenne ? Et s'il existe une souveraineté, comment existe-t-elle ? Comment se fait-elle aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, le mot souveraineté fait débat, on le sait, dans la gauche critique depuis quelques années. Depuis notamment la trahison de Tsipras par rapport à la crise grecque dans la foulée du non du référendum de juillet, et par rapport notamment aussi aux interventions de Jacques Sapir, qui, comme vous le savez, donc l'économiste Jacques Sapir, qui appelle un front des souverainistes allant de la gauche jusqu'au Front National, il y a un débat donc au sein de la gauche critique sur cette question de souveraineté et de souverainisme. Alors pour en débattre justement, je vais m'appuyer sur un auteur qui nous est cher à Attac, c'est Frédéric Lordon, qui dans un texte Clarté sur son blog hébergé par le site du Monde Diplomatique, clarifie un peu les idées de nation et de souveraineté. Donc dans ce texte, Lordon déplore que les signifiants nation et souveraineté soient de longue date devenus un patrimoine purement droitier, abandonné par la gauche, et milite pour leur réappropriation. Et Lordon renvoie à Robespierre et au modèle de la souveraineté nationale populaire de 1789. Car en effet, c'est en 1789 que la nation est devenue le nom, je cite Lordon, communément donné à l'espace de réalisation du concept de souveraineté. Donc la souveraineté n'est pas pour Lordon un gros mot, hein, c'est le nom tout simplement qui permet, qui permet de définir un espace sur lequel la démocratie s'exerce. Voilà, et je cite Lordon, « En France, la nation souveraine naît en 1789, elle se constitue comme universalité citoyenne, elle exprime le désir de l'autonomie politique, désir d'un peuple encore de se rendre maître de son destin. Bref, elle est de gauche », nous dit Lordon. Voilà. Donc contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire communément, que la nation, souvent on entend souvent les gens du NPA se lamenter sur le fait que dans les réunions du Front de Gauche ou dans les meetings du Front de Gauche, il y ait des drapeaux nationaux, c'est leur rappeler qu'effectivement la nation a été historiquement associée à la gauche. Voilà, donc par rapport à la souveraineté européenne, effectivement le propos de Lordon, c'est de dire que pour qu'il y ait une souveraineté européenne, il faudrait qu'il y ait une nation européenne. Or, il n'y a pas de nation européenne, parce que la nation européenne ne fait pas, elle ne fait pas peuple. Enfin voilà, les Allemands se définissent avant tout comme des Allemands, les Français avant tout comme des Français. Je pense qu'on peut difficilement dire qu'il y aurait un peuple européen, sinon... Si un peuple européen, c'est un peuple qui existe sur le papier. Donc là-dessus, Lordon est plus critique, et c'est en cela que, pour lui, la sortie de l'euro ne peut pas s'assimiler à une expression d'un nationalisme. C'est pas le repli sur la nation, c'est simplement le fait qu'il prend acte que dans la construction européenne telle qu'elle existe, c'est difficile d'exprimer une politique progressiste. On peut même dire que c'est pas possible. On peut même dire que c'est pas possible parce que l'unification de l'Europe ou l'intégration européenne, je pense qu'on va y revenir avec Louis, s'est faite par le droit en fait et par l'économie. Là où le social a très peu de place, surtout l'économie libérale. C'est ça. Donc le marché, le droit et le marché. C'est ça. Et donc, penser l'Europe en termes de marché unique nécessitait forcément l'établissement de règles et on a amené des règles du marché précisément avec le terme qu'on a utilisé toujours régulièrement, cette fameuse économie dans laquelle la concurrence doit être libre et non faussée. Tu veux dire un mot, Louis ? Oui, absolument. Oui. En écoutant Ludovic, je repensais, pour ceux qui nous écoutent, à un article que Le Monde Diplo avait rendu accessible, en accès libre précisément, et qui est extrait de La Malfaçon de Lordon, pour ceux qui nous écoutent et qui ne souhaiteraient pas, qui n'auraient pas l'envie de lire La Malfaçon dans son intégralité. Et le titre disait tout, peut-on créer un peuple ? L'Union européenne est une construction juridique, or on ne décrète pas un peuple. Tout comme la nature ne crée pas de peuple, le droit ne peut pas le créer spontanément, immédiatement. Derrière la notion de peuple, l'idée de peuple, il y a une question d'affect, des affects qui ont été mûris au gré des siècles. Et en tout état de cause, il n'existe pas de peuple européen. On le constate chaque jour. Et on prend la mesure de l'échec de la construction européenne lorsque René évoque l'ambition initiale qui est celle de dépasser le protectionnisme. Aujourd'hui, dans le droit européen, le protectionnisme ne peut plus être. Or, dans les faits, on constate chaque jour que tel est encore le cas. L'union, alors pour prendre l'échelle la plus large, l'union économique et monétaire, l'UEM, n'est autre chose qu'un jeu à somme nulle. Alors pour ceux qui nous écoutent de nouveau, l'exemple type du jeu à somme nulle, ce sont les échecs. Pour gagner un point, il faut que l'autre perde un point. Donc l'essence d'un jeu à somme nulle, c'est que pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Et aujourd'hui, puisqu'on n'a plus puisque les États n'ont plus leur monnaie, ils ne peuvent plus dévaluer, etc., aménager les taux de change, donc ils s'en remettent à des dévaluations internes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la course au moins-disant social. Donc on multiplie ce qu'on va appeler les externalités négatives, on multiplie les dévaluations internes, dans l'espoir, et c'est ça qui caractérise l'échec, dans l'espoir que ces dévaluations internes s'érigent en autant d'externalités négatives, donc dans l'espoir qu'elles gênent les voisins, en fait, en se disant, si tu mets ton taux d'impôt sur les sociétés à tel niveau, moi je vais le mettre un cran en dessous, parce que comme ça, on l'a vu par exemple, le dernier exemple en date, c'est le Brexit. L'espoir que la place financière de Londres s'effondre et aussitôt l'Allemagne se dit « Hop, il faut que ce soit Francfort qui en tire les bénéfices » et la France se dit « Il faut que ce soit Paris qui en tire les bénéfices ». Personne ne se dit « Il faut que ce soit l'Union européenne qui en tire les bénéfices ». Effectivement, tu touches du doigt l'essence même du fonctionnement européen, c'est-à-dire que chacun prie pour sa paroisse, pour reprendre l'expression, et essaie de jouer son rôle. Et on va voir effectivement quand même, on va peut-être le voir ensemble maintenant, que en l'occurrence, l'Allemagne, grâce à sa monnaie forte et à ses règles de conduite qu'elle impose de par sa monnaie, joue un rôle quand même de leader. René ? Oui, je voulais dire, simplement un peu pour conclure, on a une communauté d'États en concurrence. Oui, on a une communauté d'États en concurrence et ça me permet de revenir sur effectivement la souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? Enfin, Ludovic l'a dit, mais c'est la souveraineté ne dépend c'est un ensemble, finit par être un ensemble de règles que les gens acceptent. Bon, ici, ce n'est pas du tout le cas. Et ils acceptent, et dans un pays comme le nôtre, ce n'est pas toujours le cas, dans un pays comme le nôtre, la souveraineté est, comment dire, cristallisée dans la Constitution, qui est le mode vertical et qui s'impose à tous les citoyens d'un peuple. Ce n'est pas toujours le cas. En Angleterre, il n'y a pas de constitution. Hein, mais en tout cas, pour nous, c'est la même, c'est ça. Et en Allemagne, c'est la loi fondamentale. On y reviendra peut-être à cette loi fondamentale. Et donc, je reviens sur mon histoire de souveraineté pour appuyer ce que disait Ludovic. Ici, dans un pays où c'est la liberté du marché qui domine et où la construction dans un pays, pardon, dans un ensemble européen où c'est l'économie du marché qui domine, et la construction se fait par le marché, on a un droit qui est horizontal et qui s'impose de plus en plus à tous les pays. Et on le voit particulièrement, et là peut-être Louis va revenir lui sur cette question, et on le voit particulièrement bien avec le rôle que joue la Cour de justice européenne, qui s'approprie les lois de concurrence dans les pays. On a des exemples assez frappants. Ça a démarré avec le Cassis de Lyon, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exemple intéressant. Les Allemands ont refusé le Cassis de Lyon parce qu'il ne correspondait pas aux réglementations allemandes. Donc, la Cour de justice européenne a dit vous êtes d'accord, mais si on commence à traiter des choses aussi précises que ça, nous on va tout mettre à plat et ce sera notre juridiction qui va valoir. Et du coup, en France, on a créé dans les régions où c'était créé des régions de montagne, des labels montagne que la Cour de justice avait refusé complètement. Donc on ne peut plus utiliser le label montagne dans les produits français. Voilà. L'État n'arrangera probablement pas les choses de ce point de vue. Effectivement, c'est une préfiguration du CETA. Ben, René qui a défendu le CETA contre le CETA plutôt. Justement, je reviens sur la dualité. Cette Cour de justice européenne mise en place justement par le Conseil de l'Europe. Donc j'ai dit ce bon côté de ce projet européen aboutit finalement à imposer des contraintes aux États qui frisent parfois même l'absurde. On l'a vu aussi pour les fromages à pâte molle, je crois. Bon, et bien sûr, alors les traités de libre-échange que veut imposer la Commission, souvent à l'insu des peuples, vont encore, bien sûr, compliquer le problème et... une Europe pacifiée, d'accord, mais pleine de conflits comme ça, d'essence économique, en fait, puisqu'il y a un tas de catégories socio-professionnelles dans des régions diverses qui vont se trouver à chaque fois lésées, et se révolter, et voilà. Alors, si on peut faire un premier point sur ce qu'on vient de dire là, je crois que l'idéal européen dont a parlé René, qui avançait comme objectif, entre autres, aussi le progrès social, eh bien, il s'est brisé dans les années 70 avec le thatchérisme, avec la montée dans la tête des dirigeants de l'ultralibéralisme. Et donc, j'insiste là-dessus, sur la reconnaissance de la toute-puissance de la finance dans l'économie. On peut peut-être passer sur les institutions européennes. Louis, tu... Qu'envisage-t-on précisément s'agissant des institutions des institutions européennes? On peut en dire un mot, oui. Oui. La Cour de justice européenne qu'on a invoquée rapidement. La Cour de justice de l'Union européenne, elle a un rôle effectivement qui est très important parce que elle précise le droit européen, elle le rend immédiatement applicable. Pour schématiser rapidement, le droit européen naît de la façon suivante. La première des institutions, c'est le Conseil européen. Le Conseil européen, il rassemble en son sein les chefs d'État et chefs de gouvernement des États membres de l'Union européenne. Et ce sont eux qui impulsent les grandes orientations de l'Union européenne. Sur la base de ces grandes orientations, la Commission européenne a un pouvoir d'initiative. Elle va proposer des textes et Alors, selon la nature de ces textes, ils seront ensuite adoptés soit par le Conseil. Alors, le Conseil de l'Union européenne, c'est la réunion des ministres des États membres de l'Union européenne selon leurs compétences. La réunion des ministres de l'agriculture, la réunion des ministres des finances. Alors, la déclinaison la plus connue par les temps qui courent du Conseil de l'Union européenne, c'est l'Eurogroupe ou la réunion des ministres des finances des États membres, alors non pas de l'Union européenne, mais de la zone euro. Et donc les textes proposés par la Commission sur la base des grandes orientations décidées par le Conseil européen vont être soit votés par le Conseil de l'Union européenne, la réunion des ministres, ou par et le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces textes, puisqu'ils sont des textes de nature juridique, ont une portée générale, abstraite. Et ils ont eu une teneur indécise, nécessairement, comme une loi, lorsqu'elle est votée, elle n'est pas immédiatement applicable, elle suppose des décrets d'application, ou elle suppose d'être précisée par les juridictions françaises ou les juridictions étrangères dans les pays étrangers. Ce sont les juridictions qui concrètement font le droit, disent ce qu'est le droit. Et de ce point de vue-là, la Cour de justice de l'Union européenne a un rôle absolument fondamental parce qu'elle précise le droit européen en le rendant immédiatement applicable, immédiatement opposable, et cela va toujours, forcé de le constater, cela va toujours dans le sens des intérêts économiques, dans le sens de l'ordolibéralisme. Cela va toujours dans ce sens-là. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que cette juridiction n'a pas de juridiction d'appel. Donc, grosso modo, elle dit la messe et on écoute. C'est un peu ça, effectivement, c'était une allégorie intéressante. René, juste une petite précision parce que ou une demande, parce que j'ai un petit doute. Je crois que le Conseil européen en lui-même, ce n'est pas les chefs d'État ou de gouvernement, et les différents ministres donc d'agriculture, finances, etc., ne constituent pas eux le Conseil des ministres. C'est compliqué. Détail, on s'est presque à se demander si ça n'est pas rendu sciemment compliqué pour qu'on n'y comprenne rien. Le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement, donc les premiers ministres, ou les présidents ou les premiers ministres, pour le dire simplement, en fonction des constitutions nationales qui donnent le pouvoir ou au président ou au premier ministre. Et ensuite, on a une autre institution qui est le Conseil de l'Union européenne, qui lui réunit à échéance régulière les ministres au gré de leurs compétences et au gré de l'actualité européenne, en fait. Si on parle du lait, ce sera l'agriculture. Si on parle de la dette grecque, ce sera les finances, etc., etc. Si la crise des réfugiés, ce sera les ministres des Affaires étrangères, etc., etc. Et si c'est le commerce, c'est Moscovici, ce qui n'arrange rien. Bien, autre institution européenne, la Banque Centrale Européenne. Donc, la Banque Centrale Européenne existe depuis 1998. Elle a son siège à Francfort. Donc, c'est encore bien allemand tout ça. Mais je ne vais pas faire de l'anti-allemand, l'anti-germanique, ça ne marche pas. Elle est chargée, donc... d'émettre l'euro, on reviendra forcément sur cette question, en tant que monnaie unique et commune à l'union économique et monétaire dont parlait tout à l'heure René. Donc elle est chargée, cette Banque Centrale Européenne, de définir les grandes orientations de politique monétaire de la zone euro et les décisions nécessaires à sa mise en œuvre. C'est-à-dire, et ce qui est essentiel de bien comprendre, et vous allez comprendre tout de suite aussi pourquoi ça ne marche pas, c'est de maintenir le pouvoir d'achat de l'euro et donc la stabilité des prix dans la zone euro. Alors, sur ces questions-là, je vais passer tout de suite sur le fait pourquoi ça ne peut pas marcher. Il y a la première chose qu'il faut comprendre, c'est que dans l'économie libérale, dans les dogmes de l'économie libérale, pour reprendre ce que disait René tout à l'heure sur les dogmes, dans les dogmes de l'économie libérale, il y a un dogme qui laisse pantois tout autre économiste, c'est que la monnaie n'existe pas. Elle n'a pas de sens. Qu'il y ait une monnaie européenne, c'est déjà un peu bizarre, mais il y en a une, elle s'appelle l'euro. Ce qui va se passer, ce que ne comprennent pas manifestement, et c'est un véritable problème historiquement, économiquement, ce que ne comprennent pas les économistes libéraux, c'est qu'on ne peut pas faire une monnaie unique dans des pays où il y a une telle différence de productivité, une telle différence de production. Et donc, la monnaie unique va avoir un rôle épouvantable, et on va le voir évidemment avec la Grèce, dans la mesure où les écarts de productivité entre un pays industriel comme l'Allemagne ou comme la France, par rapport à d'autres pays comme, je vais reprendre la Grèce, mais il y en a d'autres, enfin, l'Espagne n'est pas un pays industriel comme peuvent l'être la France et l'Allemagne. Eh bien, ces écarts de productivité font que les pays en question ne vont pas pouvoir jouer sur leur monnaie, puisque la monnaie est unique. En fait, de ce point de vue-là, on pourrait le dire de façon assez forte, c'est une monnaie étrangère. C'est une monnaie étrangère, puisque les capacités de gérer les difficultés, les différences de productivité entre les pays, les différences de croissance, pourraient être de jouer sur la monnaie, c'était les dévaluations. C'est ce qu'on a voulu éviter, mais on a introduit un loup aussi dans cette histoire de monnaie unique, dans la mesure où les pays dont on peut marquer la différence en termes de productivité, bien vont devoir jouer sur d'autres leviers pour pouvoir être compétitifs. Et d'abord, eh bien, on va arriver à cette question qui est la déflation. C'est-à-dire, on va faire baisser les prix. Louis, tu parlais tout à l'heure de pression fiscale. On va diminuer la pression sur le bénéfice sur les sociétés, par exemple. On va diminuer on va faire de la pression fiscale, de la pression sociale, donc en diminuant les salaires, un moyen de lutter contre. D'essayer de restaurer sa compétitivité. Et donc, on tire, on tire le pays vers le bas. Oui, Louis. Pour moi, il y a une question qui, me semble-t-il, s'impose à nous, et plus largement à tous les Européens qui s'interrogent sur la monnaie unique. On soutient donc, comme tu viens de le dire, que ça ne marche pas. Mais et si ça marchait ? Et si le but n'était pas celui qu'on nous annonce de prime abord ? Parce que si on postule que l'essence du libéralisme est de réduire l'État ou la sphère publique à sa portion la plus congrue, retirer la monnaie des mains des États, tout en sachant que les différences entre eux sont colossal au sein de cette zone monétaire, leur retirer la monnaie, c'est s'assurer qu'ils n'auront plus, pour maintenir la tête hors de l'eau, que les dévaluations internes, le marché du travail, la fiscalité, etc. Et si on postule que l'essence du libéralisme est de réduire la sphère publique à sa portion congrue, c'est le moyen de s'en assurer. C'est le moyen de dire aux États, oui, vous n'avez plus votre monnaie entre les mains, alors l'eau, c'est une régie publique, et bien maintenant, ça doit être du privé. Et quid du gaz, quid des transports, etc. Donc, moi, il y a une question qui, me semble-t-il, doit être posée, c'est, et si, en fait, ça marchait en fait. Bonne question, merci. Effectivement, c'est une possibilité. Je crois qu'il y a un autre élément que tu pourrais développer, c'est la question de la dette aussi, comme réduction de la part du pouvoir politique sur l'économie. René, peut-être une intervention. Toutefois, à terme, ça amène quand même un problème. C'est le problème de trouver des débouchés, parce qu'avec une déflation salariale, à qui vendre finalement ? Oui, c'est-à-dire que on met en concurrence les salariés européens avec les salariés des non-européens. Et donc la dévaluation, cette dévaluation des salaires, je vais l'appeler comme ça, eh bien, ne peut que réjouir un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs ou de capitalistes, pour dire le mot, qui vont exporter et s'installer ailleurs. Ou jusqu'au moment où la situation étant à l'étiage, comme en Grèce, eh ben on va pouvoir s'installer en Grèce parce qu'on sait que là, il n'y a plus de convention collective, les salaires sont très bas et les Grecs pourraient être concurrents de pays du tiers-monde. Louis, peut-être sur la dette qui semble un élément fort de restriction du pouvoir politique. Oui, absolument. Pour contraindre un pouvoir politique, la dette est une arme absolument redoutable. Alors, qu'en est-il du discours dominant sur la dette, celui qu'on nous rabat chaque jour? Alors, l'augmentation exponentielle de l'endettement public s'expliquerait par une augmentation exponentielle de la dépense publique. Ce serait simple, ça irait de soi, c'est beau, c'est rond, hein, ça marche mécaniquement, logiquement, presque naturellement. On sait combien la rhétorique néolibérale aime ses adverbes. Naturellement, ça marche comme ça, on n'y peut rien, c'est ainsi. Donc ce qui serait en cause, ce serait la dépense publique. C'est très simple, l'État a des ressources, il a des charges, il a des recettes, il a des dépenses. À terme, le compte n'est pas bon, donc c'est qu'il dépense trop. C'est l'un des tours de la rhétorique néolibérale les plus éculés, que de renvoyer comme ça dos à dos finances publiques et finances privées, alors que c'est totalement inepte sur le fond. Mais bon, ça imprime dans l'opinion et finalement c'est tout ce qui compte. Pourtant, à y regarder de plus près, les choses sont un petit peu plus compliquées. Pour le dire rapidement, on peut distinguer cinq causes de l'endettement public. Le premier, c'est une diminution ininterrompue, des recettes des États, et on va se concentrer sur l'exemple français pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, et puis ce sera doublement utile à l'approche d'échéances électorales. La diminution ininterrompue des recettes, non pas des dépenses, mais des recettes. Rapidement, on nous dit que les dépenses augmentent. La dépense publique de l'État, on va se concentrer aussi sur la dette de l'État, non parce que par dette on entend toutes les dettes de toutes les administrations public, les régimes de sécurité sociale, les communes, les départements. Concentrons-nous sur l'État en France parce que c'est 80% de la dette publique française. Donc on nous dit que la dépense publique augmente en France. C'est faux. Elle était en moyenne de 22,7% dans les années 80. Elle est à 20,7%. Alors comment expliquer que, bien que les dépenses diminuent, la dette continue d'augmenter? C'est parce que les recettes elles-mêmes diminuent, les recettes publiques, et elles diminuent à un rythme plus soutenu, plus élevé que la dépense publique. En une trentaine d'années, on a perdu 3 points de PIB de recettes par rapport aux dépenses, donc c'est 60 milliards d'euros, donc c'est quasiment le déficit public en France, donc ceci explique cela pour ceux qui se poseraient la question, quasiment le déficit public, et pour que les gens se fassent une idée, c'est le produit de l'impôt sur le revenu. Il faut dire pourquoi il y a une baisse des recettes. C'est qu'on a diminué notamment les prélèvements obligatoires, les impôts et les cotisations sociales. Tout à fait. Et donc, à destination des contribuables plus fortunés. Ce que tu sous-entends, c'est Ludovic, c'est que poser cette question-là, c'est poser la question de la liberté de circulation des capitaux, puisqu'on diminue les impôts en espérant que les contribuables les plus fortunés restent en France et investissent. Autre cause d'augmentation de la dette publique, la fraude fiscale. 60-80 milliards d'euros par an, soit qu'on peut ajouter l'optimisation fiscale, au moins dans sa part qui se rapproche fondamentalement de la fraude fiscale et qui ne s'éloigne d'elle que par l'épaisseur des murs d'une prison, on va dire. C'est 20 milliards d'euros par an, on l'estime. Également la fraude sociale, on peut en parler. Simplement, on peut aussi dire que la fraude sociale, c'est 20 milliards d'euros par an et c'est très inégalement réparti entre 4 milliards de fraudes aux prestations sociales. Mmh. Vous savez, ceux qui fraudent le RSA, ceux qui ont 50 000 cartes vitales chez eux, nous dit-on. Et donc 4 milliards d'euros aux prestations sociales. Mais pour qu'il y ait des prestations sociales, il faut qu'il y ait des prélèvements sociaux. Et c'est 16 milliards d'euros de fraude aux prélèvements sociaux. Et ça, c'est l'apanage des entreprises et des contribuables les plus fortunés. Ensuite, on a un certain nombre de politiques publiques coûteuses, dont on constate qu'elles ne sont pas efficaces. On peut citer non pas le recrutement d'un certain nombre d'enseignants, dont on nous rabat les oreilles pourtant constamment, mais par exemple des niches fiscales, des crédits d'impôt, le CICE, à la BNP, à AXA, etc. etc. Autre cause, le renoncement de l'État à gérer une dette administrée, une dette non négocié. Avant, c'était le cas lorsque l'État s'endettait auprès de sa banque centrale nationale. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et on a connu tout de même des taux d'intérêt jusque 6% lorsqu'on menait des politiques de Francfort pour rentrer dans l'euro. Pour que ceux qui nous écoutent aient une idée, en 2009, entre les années 80 et 2009, on avait remboursé 1340 milliards d'euros seulement d'intérêts. Donc on ne touche pas à la dette. La dette, elle continue de croître. Ce ne sont que les intérêts. Et à l'époque, ça représentait 90% du stock de dette. Alors, juste en un mot, la dernière cause, c'est évidemment la socialisation des conséquences de la crise de l'endettement privé américain qui est devenue une crise des finances publiques en Europe. Ce qui est important de retenir, c'est que la dépense de l'État n'est pas le problème. Elle pourrait même être la solution si des politiques de relance d'inspiration keynésienne ciblaient des secteurs intensifs en emploi et utiles socialement et écologiquement. Mais, pour en revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui, de telles politiques de relance ne sont pas possibles sous l'égide de l'ordolibéralisme européen qui tend à contenir l'État à un statut d'arbitre, à le réduire à sa portion congrue, ne doit pas intervenir pour ne pas fausser la concurrence libre et non faussée. Bien, merci de terminer et de boucler sur cette question-là. Je pense qu'effectivement, l'Europe n'est pas celle qu'on aurait pu attendre, sauf si, par antiphrase, je repense ce que tu disais tout à l'heure, c'est exactement ce qui était attendu. On espère avoir déblayé un peu le terrain sur la complexité de l'Europe. L'Europe, de toute façon, il me semble à moi que cette Europe ne pourra pas ne pas être viable aujourd'hui. Et je pense que je ne suis pas le seul. Il va falloir changer beaucoup de choses si on veut avoir quelque chose, un idéal un peu plus stimulant, on va dire. Créateur du fric et du crédit, du découvert visible et invisible. Je crois au tout à l'ego, à la hausse du pouvoir de crachat. Je crois en l'esprit singe. Je crois aux bactéries de missiles, aux missiles de croisière, je nous crois capables du malheur comme du pire. Je crois à l'exaction des chefs d'État, au sucrage universel, à la sainte bêtise cathodique. Et je crois, je le crains, à l'envie éternelle. Ça, l'Europe, dans l'azur d'une toile, tu lis ton horoscope, tu cherches ta bonne étoile. La petite sirène de Copenhague va épouser le mannequin Peace, sonner les cloches de Notre-Dame, de Big Ben et de la tour de Pise, bénie par l'archiduc d'Autriche au son d'une valse de Chopin. Les époux scelleront à Maastricht l'union des carpes et des lapins. Puis ils consommeront sous douane le mariage et le vin teuton. Pizza pure malte et macédoine, dans de la vaisselle en laiton. Du Grand-Duché du Luxembourg, ils fileront ni vu ni cosy. Passeront sous la porte de Brandebourg et s'envoleront pour Helsinki. Mets ta belle robe, l'Europe, tes 25 bigoudis. Laisse tomber l'horoscope, ton ventre s'arrondit. Le l'Europe attend des sextuplés. L'Amérique et George Bush B. Les prénoms sont déjà choisis. Ils s'appelleront démocratie, droits de l'homme, solidarité, environnement, croissance et paix. Si bambins qu'il faudra nourrir, éduquer, soigner et blanchir. Grosse commission en perspective et belle bataille de polochons pour leur donner des directives, une solide constitution. Mais plus de 20 langues maternelles, ça fait pas des consensuels. À force de rêver ses envies, on se prend les pieds dans l'utopie. T'as pas bonne mine l'Europe, t'as 25 ganglions, tu risques la syncope, le cancer des nations. Je crois aux Amani de Finlande, aux troupes de Psychoslovaquie, aux déchirures sanguinolentes, aux épanchements de Slovénie. Je crois aux bourrelets de Grèce, à une surcharge Portugal, épidémie de Budapest, tassement de la Pologne vertébrale. Je crois au virus de l'Angliche, à une Europe tétrabelgique, difficulté neuromotrice, manipulation transgénique, aux crises d'Italie convulsive, aux accidents sous le pont de l'Allemagne. Mais je garde, quoi qu'il arrive, une toute petite lueur d'Espagne. Te fais pas de bile l'Europe, tes gosses sont des voyous. Arrête les psychotropes, c'est le monde qui est fou. Voilà les activités d'attaque. Et... Oui, juste pour dire, j'ai oublié de dire, Elsa Gelly, l'Europe. Oui, c'est un très très bon choix et ça commençait très fort. Merci Florent pour ce choix, comme d'hab, toujours judicieux. On parle donc des activités d'attaque avec René, mais je vais peut-être commencer sur la campagne Rendez l'argent, puisqu'elle est liée directement à ce que disait tout à l'heure Louis, sur le fait que en France, on a au moins 60 à 80 milliards... Qu'est-ce qu'ils font ? Ils fabriquent. Ils sont en train de démolir Ils sont en train de démolir le studio. C'est un scandale. Bien, donc, tout ça, je reprends sur la campagne Rendez l'argent à Attaque et dans d'autres organismes. On s'est aperçu quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, qu'il y a beaucoup d'argent qui ne vient pas dans les caisses de l'État, à commencer par les 60 milliards ou les 80 milliards d'évasion fiscale dont parlait tout de suite Louis. Et il y a aussi bien d'autres choses. On a parlé ici dans cette émission le surcoût du capital qui est estimé à 100 milliards. Les travaux qu'ont fait les économistes de Lille 1, de Dunkerque et de Nice, mes 60 exacts. Il y a de l'argent et on estime à Attaque que cet argent représente à peu près 200 milliards. Et donc il y a des activités de militants qui s'amusent avec les sociétés générales, la BNP et autres, René. Oui, tout à fait. Donc, je parle un peu du bilan de la campagne d'attaque, la Semaine mondiale d'action contre l'évasion fiscale. Donc, le samedi 1er avril, plusieurs dizaines d'actions ont été menées un peu partout en France et ici même à Tourcoing. Ces actions ont pris des formes diverses, par exemple à Paris, Aix-en-Provence, Aix-les-Bains, des agences de la Société Générale, de BNP Paribas, la vitrine d'un Apple Store ont été repeintes. Dans d'autres localités, cela a pris d'autres formes, comme information du public, distribution de tracts, redécoration à l'aide d'affiches, des façades, spectacles de rue, etc. Les actions et manifestations se sont poursuivies tout au long de la semaine. L'information sur cette campagne, relayée par les médias, est disponible sur le site d'Attaque France dans une revue de presse. Toutefois, à Paris, plusieurs dizaines de militants qui participaient aux actions visant la Société Générale ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils risquent d'être poursuivis pour trouble à l'ordre public et dégradation en réunion. Un an après le scandale impliquant la Société Générale dans l'affaire Panama Papers, ces interpellations et gardes à vue sont une véritable insulte aux citoyens, justiciables et contribuables ordinaires. Ce qui nous amène d'ailleurs à évoquer le procès de Florent Compin, mardi 11 avril à Bar-le-Duc. Près de 200 personnes se sont rassemblées dès 8h30 devant le tribunal pour soutenir Florent, président des Amis de la Terre France, je le rappelle. Et pour rappel, donc, en novembre 2015, Florent avait participé à une réquisition citoyenne de chaises dans une agence BNP Paribas de Nancy. Il comparaissait pour vol en réunion suite à la plainte de cette banque. Le procureur a requis une peine de 500 euros d'amende avec sursis et le tribunal rendra sa décision le 6 juin. Enfin, nous avons trouvé les 200 milliards nécessaires à la transition sociale et écologique. Donc c'est le rapport intitulé « Rendez l'argent » dont je vous avais parlé au cours de notre dernière émission. Il est paru. Il est également téléchargeable sur le site d'Attaque France. La publication de ce rapport dans lequel Attaque montre qu'il est possible de récupérer chaque année plus de 200 milliards d'euros d'argent public s'inscrit dans le cadre des mobilisations portées par l'espace Nos droits contre leurs privilèges. Un mot de Louis. Oui, parmi ceux qui nous écoutent, certains s'interrogent quant à savoir si cette situation empêche la Société Générale et la BNP de toucher le CICE, qu'il se rassure, ça n'est pas le cas. Nous sommes rassurés. Alors, et localement, Louis ? Oui. Alors, au plan local, alors rendez l'argent, bien sûr, toujours la campagne, déclinée localement à Tourcoing, donc une trentaine de participants pour un petit circuit des banques dans le centre de Tourcoing, avec détournement du 1er avril à l'aide de poissons géants sur lesquels figuraient diverses questions à destination du public. Par exemple, 60 milliards d'euros d'évasion fiscale par an en France. Poisson d'avril ou pas ? Ou bien, le Luxembourg, la Belgique sont des paradis fiscaux. Poisson d'avril ou pas ? Également, distribution de tracts, de billets de 60 milliards d'euros, faux bien entendu, pour éclairer les passants sur les paradis fiscaux et le rôle des banques. Ces 60 milliards correspondant bien sûr au montant de l'évasion fiscale. Une partie. Oui. Tout cela a été ponctué de chansons relayées par une sono efficace. Et enfin, un traitement de faveur a été réservé à BNP Paribas suite à sa plainte contre Florent Compin. Le samedi suivant, le 8 avril, une petite réplique, les poissons ont été accrochés à la balustrade du Théâtre du Nord, Grand Place à Lille. Bien en vue pour les nombreux passants qui se croisent à cet endroit le week-end. Mais ils ne sont pas restés longtemps, je peux te le dire. Oui. Enfin, conférence débat, pourquoi il faut repolitiser le débat local, organisé par les trois comités locaux attaque de la métropole et qui s'est tenu à la Bresse le mercredi 5 avril avec intervention de Fabien Desage, co-auteur de la politique confisquée. Elle posait la question du pouvoir local échappant de plus en plus aux citoyens et a rencontré un vif succès. Plus de 70 participants ou participantes, notamment des personnes inconnues des cercles militants. Christian, si tu veux en dire deux mots. Oui, très rapide. Hein. Effectivement, on est sorti un peu des cercles militants. On a vu des gens qu'on ne voyait pas, ce qui prouve que le sujet que nous avons abordé porte. Et nous allons essayer de le porter un peu plus loin, puisque nous allons remonter un groupe qui va réfléchir sur l'accès libre dans les transports et peut-être au niveau régional, au moins un travail sur c'est quoi la démocratie locale. Le CETA, René, pour finir. Pour terminer, donc, le collectif Stop TAFTA de la métropole lilloise se concentre sur son objectif maintenant, donc empêcher la ratification nationale du CETA par la nouvelle assemblée qui sera élue en juin. Donc interpellation des candidats aux législatives et bien sûr poursuite de nos tractages à destination du public et également réunion publique. La dernière a eu lieu à Lers, je crois, cette semaine. Oui, c'est mardi dernier. On passe au coup de gueule, Christian. Ah, merci, Laurent. Oui, un coup de gueule. Il n'y a pas que Fillon et Le Pen. Aussi, dans notre métropole, on a nos propres arnaqueurs. Oh, pas grand-chose. 15 000 euros de pavés en pierre bleue. Qu'est-ce que c'est que ça, hein ? Je vous le demande. À peine le prix de 3 costards et d'un pull. En même temps, des pierres bleues pour le grand stade, c'est con. Il a bien fait de les garder pour lui, Damien Castelin. Mais au fait, vous connaissez Damien Castelin ? Louis ne connaît pas Damien Castelin. J'explique. Damien Castelin, c'est le président de la métropole européenne de Lille, depuis les élections municipales de 2014. Lui qui croyait que c'était bon jusqu'en 2020, eh bien il a dû remettre son titre en jeu, rapport à l'arrivée dans la communauté urbaine de 5 nouvelles communes des WEP. Des élections pas prévues, c'est dur la politique. Eh bien je vous le dis, cet homme Damien Castelin, à la tête de son groupe Métropole Passion Commune, c'est beau quand même comme nom, et maire de Pervé-Lantois, cet homme a été réélu, et assez joliment, je dois dire. À cette élection, il n'y a même pas eu de balotage, tel que les QE s'en étonneront peut-être. Dans une métropole où la droite et la gauche se frient depuis des années pour le pouvoir, bah là, non. Castelin a été élu avec, tenez-vous bien, 97,5% des voix au premier tour. Et bien entendu, vous n'avez jamais entendu parler de ces élections. Si, peut-être, si vous habitez la commune du maire, Pévèle-en-Melantois. Et là, si c'est le cas, vous pouvez être fier. Votre maire, il est fort et il a fort bon goût, votre maire. Et en plus, il a une belle terrasse en pierre bleue. Maintenant, c'est vrai aussi, la garde à vue, ça gâche un peu. Non, calendrier d'attaque. C'est un sport à la fin, c'est scouf. Donc, soirée projection et d'échange autour des engagements actuels, des vrais et des faux problèmes de société, des sujets qui nous touchent. Ça se passe à l'Hybride, 18 rue Gosselet, le jeudi 20 avril à 20h30. Migration et frontières seront au cœur de ce rendez-vous à travers les courts-métrages montrés et l'échange qui en suivra. Organisé par Alliance en partenariat avec Amnesty International et la CIMAD, adhésion à l'entrée à 1 euro plus prix libre. Une marche pour les sciences est organisée le samedi 22 avril à 14h, place de la République. Elle tire son origine des récentes déclarations et mesures du président américain Donald Trump qui remettent en cause l'apport des scientifiques et l'amélioration de la société. Les organismes de recherche, la conférence des présidents d'université et de nombreux établissements d'enseignement supérieur ont tous appelé à la rejoindre. L'Université de Lille soutient pleinement cette initiative. Le même après-midi, samedi prochain, donc à 14h30, nous en avons parlé dans l'émission précédente, conférence intitulée « La décroissance, une utopie sociale et écologique ». Ça sera à la Halle au Sucre, 1 rue de l'Entrepôt à Lille. Conférence animée par Thierry Paco avec Agnès Sinaï, journaliste environnementale, et Didier Arpagest, professeur des sciences économiques et sociales, auteur avec Serge Latouche de « Le temps de la décroissance ». Au CCL, projection et discussion sur l'Amérique latine, avec Clifton Ross. Au XXIe siècle, l'arrivée au pouvoir de Chavez au Venezuela et Morales en Bolivie ont fait espérer des changements majeurs en Amérique latine. Cependant, après la vague rose et la puissante activité du mouvement social de la dernière décennie, aujourd'hui l'espace est faibli et les dernières années ont vu une inquiétante retour à la droite dans la région. D'où vient le récent virage à droite en Amérique latine? Que signifie ce virage pour les futurs mouvements sociaux? Quelles leçons pouvons-nous en tirer des succès, des échecs des gouvernements de gauche et des mouvements sociaux en Amérique latine? Ça sera le lundi 24 avril à 18h30 au CCL. Donc. Nuit debout, un an après, au Théâtre de la Verrière, le lundi 24 avril à 19h. Une autre manière d'exprimer la contestation. De Madrid à Athènes, de Paris à New York, comment se manifeste l'émergence d'une parole populaire? Débat animé par Benoît Hazard, anthropologue, participant d'une enquête sur Nuit debout à Saint-Denis. Alterne apéro numéro 3 avec comme thème les nouvelles formes d'économie à la Maison de l'économie sociale et solidaire, donc l'auberge de jeunesse, 235 rue du Pain Levé. Ça sera le mercredi 21 avril à 18h. Donc le thème, c'est les modèles économiques de demain sont déjà là. Ils n'attendent plus que vous pour les utiliser et en parler. Alors venez découvrir les alternatives à notre système économique actuel. Organisé par Living Cup et les Colibris, au programme présentation des différentes actions portées par les associations et collectifs du territoire. Mise en place, et il y aura de mise en place d'ateliers thématiques. Et dans le cadre du festival Les Mauvais Jours finiront, projection de Chute libre au cinéma L'Univers le jeudi 27 avril à 18h en présence de l'équipe du film. Dans le film, on retrouve Noël Godin, entartreur de l'Internationale pâtissière, mais aussi réalisateur, acteur, auteur, et également Jean-Marc Rouillon, fondateur de l'AD Action Directe, auteur et acteur également, en balade de Bruxelles à Marseille, en passant par Toulouse. Ils reviennent sur leurs idées, leurs envies, leurs luttes. Ils s'interrogent sur la notion d'image, sur les perspectives d'évolution de la société, du monde et d'une utopie. Merci Florent, des choses fort importantes actuellement dans ton agenda, vraiment très intéressantes. Eh bien, notre émission se termine. Nous vous souhaitons un bon week-end et exceptionnellement, nous nous retrouvons le 29 avril entre les deux tours. À bientôt. eines Morgens in aller Frühe. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch, denn ich fühl, der Tod ist nah. Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch, denn ich fühl, der Tod ist nah. Wenn ich sterbe, wo ihr Genossen, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao.